Le pêcheur mexicain. Un bateau rentre au port d'un petit village mexicain. Un touriste américain complimente le pêcheur mexicain. Vos poissons sont excellents. Combien de temps vous a-t-il fallu pour les attraper ? Pas très longtemps, répondit le mexicain. Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté plus longtemps pour en attraper plus ? Demande l'américain. Le pêcheur mexicain est mexicain. Explique que ce qu'il a attrapé est suffisant pour satisfaire ses besoins et ceux de sa famille. Et qu'est-ce que vous faites le reste de votre temps ? Je dors tard, je pêche, je joue avec mes enfants, puis je fais la sieste avec mon épouse. Le soir, je rentre dans le village pour voir mes amis, prendre quelques verres, jouer de la guitare et chanter quelques chansons. Je suis comblé. L'Américain l'interrompt. Oh, j'ai un MBA de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps chaque jour. Vous pourrez alors vendre les poissons supplémentaires que vous pêcherez. Avec le revenu supplémentaire, vous pourrez acheter un plus grand bateau. Avec l'argent supplémentaire qu'un bateau plus grand vous apportera, vous pourrez acheter un second et un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez une flotte entière de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un grossiste, vous pourrez négocier directement avec les entreprises et peut-être ouvrir votre propre usine. Vous pourrez alors partir de ce petit village et déménager à Mexico, à Los Angeles ou même à New York. De là, vous pourrez diriger votre grande entreprise. Et cela va prendre combien de temps ? Demande le Mexicain. 20 ans, peut-être 25 ans, répondit l'Américain. Et ensuite ? Ensuite ? C'est là... Ça devient vraiment intéressant, dit l'Américain en riant. Quand vos affaires deviendront vraiment importantes, vous pourrez commencer à vendre des actions et vous faire des millions. 10 millions, vraiment. Et après ? Après ? Vous pourrez prendre la retraite, vivre dans un petit village près de la côte, dormir longtemps, jouer avec vos enfants, pêcher quelques poissons, faire la sieste avec votre épouse, passer vos soirées avec vos amis et prendre un verre.